fourrure mouillait la musique. Ta fourrure mouillait la musique. Un carrosse de caresse. Un carrosse de caresse. Carrosse de caresse était passé par là, était passé et par là. Mouillait la musique. Ta fourrure mouillait la musique. Un carrosse de caresse. Un carrosse de caresse. A été passé par là, était passé par là.